العلم، هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم؟ Est-ce qu'il est égaux celui qui connaît et celui qui connaît pas? Celui qui sait pas faire la différence entre le haram et le halal? Entre celui qui voit son chemin et celui qui ne le voit pas? Entre celui qui le voit et qui le suit et celui qui le voit mais qui ne veut pas suivre? Ils sont égaux? Et après vous nous direz, mais vous êtes trop strict. Il faut être strict des fois. Parce que si tu n'es pas strict, la religion elle s'envole. Tu prends pas soin de la religion elle s'envole, elle ne veut pas de toi. Ça ne veut pas dire d'une personne qui n'est pas stricte. C'est le dîn, le Coran. Le prophète nous a dit, celui qui a appris le Coran et qui ne le revise pas régulièrement, il s'envole le Coran. Donc qu'est-ce qu'on doit dire de la religion? Aujourd'hui tu délaisses une petite mustahabba, quelque chose qui est conseillé. Demain tu vas délaisser une sunna. Et après demain tu vas délaisser une obligation. Et après demain tu vas délaisser la religion. Et après demain tu vas délaisser Allah. Et après demain tu vas tomber dans le crampon. Et tu vas te permettre les interdits. C'est tout. T'as rien qui te préserve. Avec quoi on est préservé? Justement on est préservé avec ces sunnahs. Toutes ces sunnahs que le prophète il nous a apportées. Voilà, à faire comme on rassure le faire photo, ce que le prophète il vous a dit. Il vous aide, prenez-le fortement, cramponnez-vous à ces choses-là. Ah mais vous êtes trop sévère, vous. Trop, le khamis, la haya, kada, il a fait. Tu m'adores pas moi. T'adores pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. T'adores Allah, Rabbil Alameen. Et alors, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Si vous obéissez au prophète, vous serez bien guidé. Il n'y a pas de guidé en dehors de celle du chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après les salafs, comme les pieux prédécesseurs nous l'ont ramené. C'est toute une ligne à suivre. Quand je dis les pieux prédécesseurs, je ne mentionne pas simplement les premiers. Je mentionne les premiers et les derniers. Et les derniers qui vont venir après nous. Nous en ferons en dessous de la terre quand on aura l'impression qu'il suit dans le chemin depuis le prédécesseur. C'est ce chemin à suivre. Il y a le Qiyama jusqu'au jour où le dernier jour viendra. C'est ça. Mais depuis le prédécesseur, on les connaît, c'est ce Hadar devant nous. Et Atba'ahim. Ou Atba'ahim. Et ceux qui sont venus après eux, qui ont suivi ce chemin, comme Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Zahabi, Cheikh Ibn Kathir, Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Et nos ulama d'aujourd'hui, Cheikh Ben Baz, Hafidahullah, Cheikh Al-Albani, Hafidahullah, Cheikh Al-Utaymin, Hafidahullah, Cheikh Mouqbel, Cheikh Rabi'a, Cheikh Hassan Al-Haradi, et d'autres. C'est ça, on suit un chemin. Et de tout temps, Allah, subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, il nous donne des gens à suivre. On ne les suit pas eux, par rapport à la personnalité qu'ils sont. On suit leur enseignement tant qu'il est conforme au Coran et à la Sunna. S'il n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, on le laisse. Inch'Allah, il connaît Shikun, même s'il est ce qu'il est. On le voit qui dérive et il nous amène à la dérive. Salam alaikum. Froidement, normal. On ne peut pas avoir des sentiments. Il n'y a pas de sentiments en religion. On aime pour Allah et on déteste pour Allah. Tu es dans le chemin, je t'aime pour Allah. Si tu sors du chemin et que tu n'écoutes pas la vérité une fois qu'elle est arrivée, je te déteste pour Allah. Même si entre toi et moi, il y avait 50 ans de fraternité. Non. Parce que je sais que si tu te suis, tu vas m'amener dans ton égarement. Alors je m'éloigne de toi vite fait. Comme si j'avais bombé à la peste. Ça c'est la religion ça. Elle est basée, elle a des bases la religion. Mais elle commence par la ilaha illallah. Donc on a dit l'ilm. L'ilm bil kitab wa sunna. L'ilm bil kitab wa sunna. وليس العلم الفلسفات والعلم المنامات والعلم الخرافات. Non, العلم بالكتاب والسنة. La deuxième des choses, deuxième point, c'est le yaqim, la certitude, la conviction. Il ne faut plus qu'il y ait de doute dans mon cœur. On a reconnu comme Allah en tant que notre Seigneur, en tant que notre Dieu. Il ne faut plus que j'ai des doutes. C'est pas que je me dise, oui, mais c'est peut-être pas Allah mon Seigneur. C'est Allah ton Seigneur. Et les preuves sont arrivées. Le yaqin, la certitude. Troisième des conditions, le kaboul. Le kaboul, c'est l'acceptation. C'est accepter la ilaha illallah et tout ce qu'elle en suscite. Tout ce qu'elle va te apporter, cette la ilaha illallah, tu l'acceptes. Sans dire oui, mais moi j'accepte. Telle chose, mais ça je n'accepte pas. Mais nous, on a des barres d'Al-Kitab, on a des barres. Vous croyez à une partie du livre et vous délaissez l'autre partie? Non. nous on dit pas ça, amanna billahi wa rasul, on a cru en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième des conditions, c'est quoi? C'est l'inqiyad. L'inqiyad, c'est quoi? C'est l'ittiba' bil af'al. L'inqiyad, la quatrième des conditions, c'est l'ittiba' bil af'al. C'est le fait de suivre le chemin que le prophète a tracé. Bil af'al. Laysa bil aqwal faqat. Bil aqwal fi makan al aqwal wa bil af'al fi makan al af'al. On devra dire quand il faut parler et on devra agir quand il faudra agir. C'est ça l'inqiyad. C'est l'ittiba' bil af'al. Cinquième des conditions, al-sidqu, wa huwa al-sidqu ma'a Allah. Al-sidqu, c'est d'être véridique avec Allah, être sincère avec Allah. C'est ça. Ta'alam, in kunta la tara Allah, fa innahu yarak. Sache une chose, c'est que si toi tu ne vois pas, lui il te voit, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'entend et t'assiste. Et il sait tous tes faits et tes gestes. Inch'Allah, que tu sois caché en dessous d'un trou et qu'il fait noir. Allah il voit toutes choses, la tarfa alayhi khafiya, pas une petite chose ne lui échappe. Alors si tu veux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, va dans un endroit où il ne te voit pas. Mais alors trouve-le cet endroit. Si tu veux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ne mange pas de ce qu'il a fait sortir de la terre. Si tu veux désobéir à Allah, quand l'ange de la mort vient prendre ta vie, dis non, j'y vais pas. Je ne veux pas rencontrer Allah. Tu veux désobéir à Allah, vas-y, y'a pas de problème. C'est ça le truc. C'est véridique dans toute chose. La septième dépense, la sixième, c'est l'ikhlas. L'ikhlas, la sincérité. La sincérité dans les actions que tu vas entreprendre. Tout ce que tu le fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Sixième. La première, l'ilm. La deuxième, al-yaqin. La troisième, al-qaboul. La quatrième, al-inqiyad, wa huwa al-ittiba' bil-af'al. La cinquième, al-sidq, wa huwa al-sidq ma'allah. La sixième, al-ikhlas. Al-ikhlas, la sincérité. Tout ce que tu vas entreprendre, tu l'entreprends pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et attention, attention, rien ne doit rentrer. Pas de tentation, pas de riya, pas de sum'a, pas de nifa. Attention. Si une chose est faite pour autre qu'Allah, elle se saura. Mais le Qiyamah, il va la dévoiler. Ou il la dévoile publiquement, ça dépend du degré de la chose, ou il la cache. Mais attention, tu peux devant les personnes faire croire que tu es sincère envers Allah. Tu peux, ça n'y a pas de problème. Parce que l'islam nous a permis de juger par l'extérieur, mais pas par l'intérieur. Mais attention, il y a le Qiyamah. Allah te fera voir ce que tu as fait sur terre. Voilà, il parle à Allah Shay. Attention. Et la septième des choses, c'est le mahabba. C'est faire toutes ces choses-là, remplir toutes ces conditions, mais avec amour, mais non pas avec dégoût. Pas avec le kalariya. Pas avec dégoût, dire, ah oh là là, encore hein. Encore la prière, là là, la dohra. Oh là là, le ramadan, il rentre bientôt. On fait les choses avec dégoût. Non, on était avec amour. On était parce qu'on aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en général, on fait une chose, c'est parce qu'on aime cette chose-là. On rend salut à une personne, c'est parce qu'on aime bien. Alors, c'est madame là, Allah Rabbul Alameen. Qu'est-ce qu'on veut dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a tout donné? Combien de gens ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas manger, ils leur ouvrent ici, leur mettent un tuyau, ils les font nourrir par là. Combien de gens ils ne voient pas, ils sont aveugles. Combien de gens ils sont handicapés et malgré ça, il y en a parmi eux qui sont musulmans, croyants et remerciants Allah de ce qu'il leur a donné. Alhamdulillah, nous, Allah nous a tout donné. Ce garçon est parfait, si tu as la foi, bien sûr, mais corporellement, il ne te manque pas de. Il ne te manque pas un membre. Il te montre rien. Il faut savoir remercier. Il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était pour Shurut la ilaha illallah. Je ne vous ai pas détaillé avec Abdillah min al-Qur'an wa sunnah. Mais alhamdoulilah, comme je vous ai dit, le frère Philippe a des cassettes où il les détaille, point par point, avec les versets du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous pouvez récupérer ces cassettes, elles vous seront profitables. Le dernier point à venir, c'est Nawaqid la ilaha illallah. Maintenant qu'on a su le sens de la ilaha illallah, on a vu les piliers de la ilaha illallah, on a vu les conditions de la ilaha illallah, il faut faire attention au quatrième point. C'est maintenant ce qui va annuler ces trois choses. On va voir ici ce qui va annuler ces trois choses qu'on a mentionnées, pour ne pas tomber dans le piège du shaitan. Mais la qid la ilaha illallah, la première des choses c'est le jahl, c'est l'ignorance de la ilaha illallah. Et attention, il y a ce qu'on appelle l'ignorance voulue et l'ignorance involontaire. L'ignorance voulue, il est ignorant, il veut rester dans son ignorance, il ne veut pas apprendre. Ça c'est pas une excuse. Et dans l'ignorance involontaire, il ne savait pas, il faisait les choses, c'est pas non plus une excuse. Il doit faire des recherches. Avant d'agir, avant de faire toute chose, renseigne-toi. Je vais faire cette action-là. Est-ce que j'ai le droit de la faire ou pas? Qu'est-ce que dit le Coran? Qu'est-ce que dit le Hadith? Là, après, je l'ai fait. C'est pas je l'ai fait et je dis, ah, je savais pas. Ou bien quelqu'un vient te dire, mais attention, moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Non. Donc, le gueule, cette ignorance qui veut te laisser dans l'égarement. Et loin de toi d'elle. La deuxième des choses, c'est l'irtiyad. L'irtiyad, c'est chek, les doutes. Tu ne dois pas avoir de doute. Si le doute rentre dans ton cœur, ton la ilaha illallah, il est à revoir. Si le chef, le doute, il rentre dans ton cœur, la ilaha illallah, il est à revoir. Un irtiyad. Troisième des points. Admul ikhlas, c'est le manque de sincérité avec Allah. Tu n'es pas sincère avec Allah. Tu fais des choses, mais tu ne les fais pas sincèrement avec Allah. Tu les fais pour que les gens autour de toi disent « Masha'Allah, lui c'est un halim. Masha'Allah, lui c'est quelqu'un de bien, il fait, il donne aux nécessités au plus. Ah, lui regarde, Masha'Allah. » Alors qu'en vérité, dans mon concert, c'est « Masha'Allah, je suis content, regarde, les gens, ils parlent de moi. Je suis content, Masha'Allah. » Le quatrième des points, c'est « Al-Kidib. » C'est mentir. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Si tu mens qu'aux autres, ça va, mais si tu te mens à toi-même, tu fais du mal à toi-même. Et tu ne fais du mal qu'à toi-même, pas aux autres, attention. Le cinquième des points, c'est quoi? C'est Admul Mahabba. Tu n'aimes pas la ilaha illallah. Tu fais croire que tu aimes la ilaha illallah, mais tu n'aimes pas la ilaha illallah. Parce que si tu aimais la ilaha illallah, tu aurais répondu aux six conditions avant la septième de Shurut la ilaha illallah. Tu n'aimes pas la ilaha illallah, tu ne fais pas tes prières. Tu n'aimes pas la ilaha illallah, tu ne gênes pas. Tu n'aimes pas la ilaha illallah, tu ne fais pas du bien autour de toi. Comment tu me dis j'aime Allah? Comment tu m'en mets? Tu ne fais rien du tout pour nous expliquer Allah subhanahu wa ta'ala. La sixième des conditions ici, c'est le khuruj an shar'illah. C'est sortir des lois divines. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des lois dans le Coran. Toi, tu viens et tu vas à l'encontre de ces lois-là. Et tu dis non, ça c'est en plus. Ça c'était à l'époque. Avant, mais aujourd'hui, non, les temps ont changé. Qui sait le temps a changé? Le temps, c'est le temps. Le soleil, quand il se lève, il fait sa route. Il se lève et il se couche, normalement. Quand la pluie descend du ciel, elle descend comme elle descend d'autre part. Quand il y a des tremblements de terre, c'est toujours les mêmes. La nuit, c'est toujours la même. Le jour, c'est toujours le même. Quand tu me dis, ouais, ça change. Ah ben, la religion, c'est toujours la même. Elle n'a pas changé. C'est à nous de prendre la religion correctement. Donc, celui qui sort de Al-Khuruj min Shar'illah, il annule son la ilaha illallah. Qu'est-ce que j'entends par là? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que الزاني والزانية تجلد كل واحد منها 100 جلدة. Voilà. Celui qui a fait zina, femme ou homme, 100 coups de fouille. Toi tu viens, tu dis non, non, ça c'était autre chose, maintenant on n'a pas besoin de faire des coups de fouille. On a fait zina, c'est tout à fait normal. Ah, au billah. Comment tu vas l'encontrer de ce qu'Allah il a dit? Ou Allah il donne une punition exemplaire qui est coupée la main pour le voleur ou la voleuse, et là tu viens, tu dis non, non, non, ça c'est. Ça ne fonctionne plus, ça. C'est fini. S'il si répond aux conditions de la coupe de la main, tu devras lui couper la main. Pas toi ou moi. Ça, ce sont les juges qui s'en occupent. Si quelqu'un doit être lapidé, il sera lapidé. Si quelqu'un mérite des coups de poing, il doit les mériter. On ne doit pas dire aujourd'hui, oui, mais regarde, tu sais, les droits de l'homme. Quellement رد شيء من لوازمها ومقتضياتها. C'est remettre en question ou avoir un doute sur un des points des conditions de la ilaha illallah. T'as un doute, alors après, quand t'as un doute, tu te dis non, ça je la rejette cette chose-là. T'as un doute sur, par exemple, sur le Kaboul ou bien l'Istiba, l'Imtiyad, tu la rejettes, tu te dis non, Donc c'est pas bon. Il ne faut pas avoir de doute. Donc ce sont les points de n'avoir que de la ilaha illallah. J'ai bien expliqué la ilaha illallah. J'ai pas dit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais attends, de n'avoir que de l'islam, il y a aussi celui qui remit la sunna du prophète. Enfin, on le sait. Mais là, on est en train de parler de la ilaha illallah. Pour que ce soit bien clair dans les textes. Et Inch'Allah bidillah, on reparlera de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وبارك الله فيكم.